الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. عدد خلقه ورضا نفسه. La louange est à Dieu au nombre de sa création et d'une façon proportionnelle à la satisfaction de son âme. وزينت عرشه est proportionnellement au poids de son trône, وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ et au nombre des mots nécessaires, ou au nombre de l'encre nécessaire pour écrire tous ces mots. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. يُخَاطِبُ الْعِبَادَ قَائِلًا il s'adresse aux adorateurs en leur disant يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار Ô mes adorateurs, vous commettez certes des erreurs le jour et la nuit. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم Et moi je pardonne tous les péchés. Donc demandez mon absolution et je vous pardonne. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني Ô mes adorateurs, jamais vous n'atteindrez le point de me nuire. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني Et jamais vous n'atteindrez le point de m'être utile ou bien de me faire du bien. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد Ô mes adorateurs, si vos premiers et vos derniers, vos humains et vos djinns se mettent dans un seul lieu ou dans un même lieu, فسألوني et ils m'ont fait tous des demandes, فأعطيت كل إنسان مسألته et dans le cas où je donnerai à chacun ce qu'il a demandé, ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ce que je vais leur donner ne diminuera pas ce que je possède que comme ce que va prélever une aiguille si on la fait plonger dans une mer. رواه الإمام مسلم rapporté par l'imam مسلم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني انظروا إلى قوة الله فسألوني 6 مليار فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ليسأل ما يريد أعطيه ما سأل ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وأخرجناه إلا ينقص كما تنقص الإبرة إبرة لو أدخلناها في البحر وأخرجناها ستأخذ نقطة من بحر الله تعالى وتبارك أقول جدي فعجبا لمن عنده هذا الإله combien c'est étonnant de celui qui a ce Dieu avec cette puissance, cette richesse ويتركه et il l'abandonne ويبحث عن آلهة أخرى et il cherche d'autres types de divinités Aliha kadiba, des divinités mensongères. Aliha khayaliya, des divinités imaginaires. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah as-sadiq al-amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique as-sadiq al-amin. Qala lana, il nous dit, la yu'minu ahadukum. حتى يحب لأخيه يعني أخيه المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. L'un de vous ne deviendra croyant ou ne sera vraiment croyant que lorsqu'il aime pour son frère, ça veut dire son frère croyant, que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi al-islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite et on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Takallamna fil jumu'a al-madiya an marad nisyan Allah. La semaine dernière, nous avons abordé le thème l'oubli de Dieu. Wa uhibbu al-yawma an atakallama an marad akhar. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre mal ou une autre maladie. Lahu alaqa bil marad as-sabiq, qui a une relation avec la maladie précédente. Wa hadha al-marad yusamma, la maladie d'aujourd'hui s'appelle at-tawakkul ala al-makhluqat, c'est le fait de s'en remettre aux créatures. At-thiqa bil makhluqat, placer sa confiance aux créatures. Bima'na adam at-tawakkul ala Allah, ceci signifie indirectement, inconsciemment, on ne s'en remet pas à Dieu. Adam at-tawakkul ala al-khaliq, ça veut dire on ne place pas sa confiance dans le créateur. Adam at-thiqa billah. Wa fi al-haqiqa alladhi yatawakkal ala al-makhluqat wa la yathiq billah fa hadha shirk. Et en réalité, celui qui s'en remet aux créatures et qui ne place pas sa confiance en Dieu, il s'agit là d'une forme d'association. Wala kana musliman, même s'il est musulman, il est associateur. Wala kana musliman fa huwa mushrik, li'annahu taraka Allah, parce qu'il a abandonné Dieu. Wattakhadha alihatan ukhra, et il a pris d'autres types de divinités. يتوكل عليها, d'autres dieux sur lesquels ou auxquels il s'en remet, ويثق بها, et auxquels il place sa confiance. وإذا كان مرض نسيان الله يؤدي إلى الشقاء, si la maladie qui s'appelle l'oubli de Dieu mène vers le malheur, لأن ذكر الله يؤدي إلى السعادة, parce que le rappel de Dieu, l'évocation de Dieu mène vers le bonheur. فمرض التوكل على المخلوقات, la maladie qui est le fait de s'en remettre aux créatures, تؤدي أو يؤدي هذا المرض إلى انخفاض ضغط الضغط العصبي, cette maladie de s'en remettre aux créatures mène vers la dépression, يعني الجنون, ceci signifie mène vers la folie, يعني مرض عقلي, ça veut dire vers une maladie mentale psychiatrique. Al-qalb alladhi yadhkuru al-makhluqat wa yansa Allah, le cœur qui évoque les créatures et qui oublie Dieu, yusabu bish-shaqa, ce cœur comme punition sera touché par le malheur. Qala ta'ala ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub, Dieu dit dans un verset coranique, n'est-ce pas qu'avec l'évocation de Dieu que les cœurs se rassurent. والعقل الذي يتوكل على المخلوقات, et la raison qui s'en remet aux créatures, يصاب بالضعف, cette raison sera touchée par la faiblesse. يصاب بالجنون, sera touchée par la folie. يصاب بانخفاض الضغط العصبي, sera touchée par la dépression nerveuse. تجد الإنسان يتوكل على ذكائه, tu trouves parmi les individus celui qui compte trop sur son intelligence. Avec son intelligence, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. Il compte trop sur l'intelligence. Et tu trouves un autre qui compte trop qui place toute sa confiance dans sa fortune, il est riche. وَهَذَا عَلَى أَصْدِقَائِهِ Et l'autre compte trop sur ses amis. وَهَذَا عَلَى وَظِيفَتِهِ Et l'autre compte uniquement sur sa fonction, ou bien son emploi. وَهَذَا عَلَى جَاهِهِ Et l'autre compte trop sur son pouvoir, comme si le pouvoir dure. وَكُلْ هَذِهِ مَخْلُوقَاتِ Et tout ce que je viens de citer ne sont que des créatures. كُلْ هَذِهِ مَخْلُوقَاتِ الأصدقاء والمال والذكاء والوظيفة والجاه مخلوقات ويقوم بمشاريع et après il entreprend des projets مشروع زواج un projet de mariage il veut réussir dans son projet مشروع بناء un projet de construction مشروع شركة un projet d'une société ou entreprise مشروع عمل un projet de trouver un travail, il a akhiri, etc. وَيَعْمَلْ لَيْلَ نَهَارِ Et tu trouves que cet individu va œuvrer pour réaliser son vœu, il va œuvrer jour et nuit. رُبَّمَا مِنْ غَيْرِ رَاحَةٍ Peut-être même sans repos. وَفِي الْأَخِيرِ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمَشْرُوعِ Mais à la fin, si le projet ne se réalise pas, تجده في مستشفى الأمراض العقلية. Tu trouves cette personne dans un asile psychiatrique. تجده يتكلم وحده. Tu le rencontres en train de parler seul avec lui-même. Il a perdu la raison. Qui ne pensait pas à Dieu. Qui ne s'en remettait pas à Dieu. كثير من الناس اليوم. Beaucoup de gens aujourd'hui. مصابون بمرض انخفاض الضغط. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent. De la maladie qui s'appelle la dépression. لا يعيشون إلا بالدواء. Ils ne peuvent vivre qu'avec les médicaments. أخي أختي, frère ou sœur, لن تكون مؤمنا حقيقيا. Jamais tu ne seras un vrai croyant. من أهل التوحيد, du cercle de l'unicité. إلا إذا كانت أعمالك موافقة للسانك. Que le jour où tes actions soit conforme avec tes dires. فَلَا يُمْكِنْ أَنْ يَقُولَ لِسَانُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Il n'est pas possible que ta langue va dire il n'y a aucune divinité à part Allah. وَأَعْمَالُكَ يُرَى فِيهَا أَثَرُ التَّوَكُّلَ عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ Mais dans tes œuvres, on trouvera les traces de cette maladie qui s'appelle sans remettre aux créatures. عَلَى غَيْرِ اللَّهِ Placer sa confiance en dehors de Dieu. لن تكون مؤمنا إلا إذا عرفت يقينا Tu ne seras vraiment croyant que le jour où tu sauras avec certitude أن المخلوقات لا تضر ولا تنفع Que le jour où tu vas comprendre à 100% que toutes les créatures ne font ni du mal ni du bien فالضار والنافع هو الله celui qui apporte le mal celui qui apporte le bien s'appelle Allah فالمخلوق مهما كان كبيرا la créature quoi qu'elle soit grande كالجبل مثلا comme une montagne par exemple لن ينفعك elle ne peut pas être utile إلا بإذن الله qu'avec l'autorisation de Dieu مهما كان المخلوق قويا كالملك مثلا quoique la créature soit forte puissante comme un ange par exemple لن ينفع إلا بإذن الله cette créature l'ange ne peut pas être utile ne peut pas t'aider qu'avec l'autorisation de Dieu والمخلوق مهما كان خطيرا كالنار أو كالحوت مثلا أو كالسكين أو غيره Et la créature, quoi qu'elle soit dangereuse, comme le feu, comme un requin, comme une baleine, comme un couteau, etc. فَلَنْ يَضُرَّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Cette créature ne peut pas te nuire qu'avec l'autorisation de Dieu. هَلْ السِّكِينَ ذَبَحَتْ إِسْمَعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ Est-ce que le couteau a tranché le cou d'Ismaël, prière et salut sur lui هَلْ الْحُوتِ قتل يونس عليه السلام Est-ce que la baleine a tué, a mis fin à la vie de Jonas, prière et ça sur lui amthila darabaha Allah, des exemples que Dieu nous a donnés dans le Coran, kay la natawakkala ala al makhluqat, afin qu'on ne se remette pas aux créatures. Fa idha kanat al makhluqat la tadur wa la tanfa illa bi idnillah, si toutes les créatures n'arrivent pas à te faire mal ou à te faire du bien qu'avec l'autorisation de Dieu, falimadha atawakkal alayha, pourquoi je m'en remets donc à ces créatures, wa atruk Allah, et j'abandonne Dieu. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, لعبد الله ابن عباس رضي الله عنه, il dit à Abdullah, fils de Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, ليعلمه التوكل على الله وليعلم معه الأمة, afin de lui enseigner le fait de s'en remettre à Dieu et enseigner à travers Abdullah, fils de Abbas, enseigner à la nation d'Islam entière. كان غلاما, Abdullah était un jeune. يقول له, il lui dit, إذا سألت فاسألي, يعني المخلوقات ضعيفة, quand tu demandes quelque chose, demande-la à Dieu. Ça veut dire les créatures sont faibles. وإذا استعنت, استعن بالمخلوق, فاستعن بالله بالخالق, et quand tu demandes assistance, demande-la à la créature. Non, il dit, demande l'assistance à Dieu. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةِ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ, et sache que la communauté ou la nation, si elle se réunit pour t'avantager d'une chose ou te faire profiter de quelque chose, لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ, ils ne peuvent t'avantager que de quelque chose écrit déjà de la part de Dieu pour toi. وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, et dans le cas où ils se réunissent pour te nuire ou te faire un certain mal, لَنْ يَضُرُّوكَ أَوْ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, ils ne peuvent te nuire ou ils ne pourront te nuire qu'avec une chose déjà écrite par Dieu subhanahu wa ta'ala pour toi. رواه الترمذي, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. وَأُحِبْ أَنْ أُعْطِيَ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ, j'aimerais là donner quelques exemples. المثال الأول, le premier, لَمَّا بَدَأَ الطُّوفَانِ, lorsque le déluge a commencé, طَلَبَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ, Noé, prière et salut sur lui, a demandé à son fils, طَلَبَ مِنْ إِبْنِهِ أَنْ يَرْكَبْ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ, il a demandé à son fils de monter avec lui à bord du bateau, de l'arche. والابن استعمل عقله, le fils a utilisé sa raison, sa tête. ماذا تعمل سفينة مصنوعة من الخشب أمام هذا الطوفان الذي لم يرى مثله, que peut-il faire un bateau fabriqué à partir du bois devant ce déluge inédit, أمواج كالجبال, des vagues qui ressemblaient dans sa hauteur à des montagnes, des vagues pas de 10 mètres, mais de 10 000 mètres, des vagues comme des montagnes. Ça tourne à sa fine. Ces vagues et ce déluge vont faire couler le bateau de mon père. Il a préféré se faire assister par la créature énorme, haute, qui s'appelle la montagne. Il a préféré monter au sommet d'un mont. Tawakkala ala al-makhlouq, il s'en est remis à une créature. Wa taraka al-khaliq, il a abandonné le créateur. Wa nuhun alayhi salam, Noé, prière et salut sur lui. Wa alladhina amanu ma'ahu, et ceux qui ont cru avec lui. Lamma rakibu as-safina, lorsqu'ils sont montés à bord du bateau, قالوا بسم الله, ils ont dit au nom de Dieu. لم يقولوا بسم السفينة, ils n'ont pas dit au nom du bateau. لا, بسم الله, au nom de Dieu. توكلوا على الله, ils ont placé leur confiance totale, entière en Dieu. كانوا على يقين أن السفينة لن تحميهم, ils avaient la certitude en ce jour que le bateau ne pouvait pas les protéger. ولكن الحامي هو الله. Mais le protecteur ce jour-ci n'est autre que Dieu. والسفينة سبب. Le bateau n'est qu'un moyen. أمر الله به. Et c'est Dieu qui a donné l'ordre de fabriquer ce moyen. وأمر بصنعه وأمر باستعماله. Et c'est Dieu qui a donné l'ordre de monter ou d'utiliser ce moyen qui est le bateau. فالمسلم يستعمل كل الأسباب الحلال. Le musulman utilise tous les moyens légaux, les moyens halal. التي خلق الله, les moyens créés par Dieu. لأن الله أمره بذلك, parce que Dieu lui a demandé cela. يستعمل السبب. Le musulman utilise le moyen. ويتوكل على خالق السبب. Mais il s'en remet au créateur du moyen. يتوكل على الله. Il s'en remet à Dieu في نتائج تحقيق أو في نتائج الأسباب. Pour la réalisation ou pour les fruits récoltés de ces moyens, il doit compter sur Dieu et non pas sur les moyens. هذه هي القاعدة. Telle est la règle. قال تعالى. Dieu dit وهي تجري السفينة سفينة نوح عليه السلام وهي تجري بهم في موج كالجبال. Et elle, ça veut dire l'arche de Noé, et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. Et Noé appela son fils qui était écarté. يَا بُنَيِّ, oh cher fils, يَا بُنَيِّ, اركب معنا. هذا مسخوط. ويقول له, يَا بُنَيِّ. بُنَيِّ كلمة جميلة. ما قالش له يا مسخوط. قال له كلمة جميلة يا بني. الإنسان لا يقطع مع ولده وإن ذهب إلى السخط. Il lui dit cher fils, sachant que c'était un fils désobéissant, il l'a pas insulté. À ce moment-là, Noé avait toujours de l'espoir et il parlait avec affection avec son fils. Et on doit tous faire cela. يا بني, oh cher fils, اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. قال سآوي إلى جبل, إلى مخلوق. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Il a répondu, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau, vers une créature. قال نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. Noé a répondu, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre de Dieu sauf celui à qui il accorde sa miséricorde. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الذي توكل على المخلوق على الجبل مات, والذي توكل على الله نجا. Et les vagues s'interposèrent entre les deux et le fils fut parmi les noyés. Celui qui s'est ou qui s'en est remis à la montagne, à la créature est mort, et celui qui a compté uniquement sur Dieu est sauvé. Thanien, deuxième exemple. إبراهيم عليه السلام أبراهام prière et saille sur lui. لما رماه قومه فكان في الهواء. Lorsque son peuple l'ont jeté et il était dans les airs, dans le ciel, dans son chemin vers le feu. في طريقه إلى النار جاءه جبريل عليه السلام. L'archange Gabriel prière et saille sur lui est venu. هذه القصة موجودة في كتب التفسير. Cette histoire se trouve dans les livres d'interprétation du Coran. فقال له يا إبراهيم ألك حاجة. Et l'archange Gabriel dit à Abraham, as-tu besoin de quelque chose dans le ciel? As-tu besoin de quelque chose? Quelques secondes après, il va atterrir dans le feu. لو كنت أنا أقول له خذني من هنا. Si c'était moi, je vais lui dire prends-moi loin de cette région d'Irak. فقال إبراهيم عليه السلام. Et Abraham prière et s'assure lui a donné cette réponse. قال له أما لك حاجة, as-tu besoin de quelque chose? Il a répondu أما لك فلا, envers toi je n'ai besoin d'aucune chose. Ibrahim عليه السلام في طريقه إلى مخلوق خطير وهو النار. أبراهام était dans son chemin vers une créature dangereuse qui est le feu. ليضره afin que ce feu le brûle. فجاءه مخلوق قوي, une autre créature puissante. هو الملك جبريل عليه السلام qui est l'archange Gabriel, prière et sagesse. ليعينه afin que cette deuxième créature l'aide. فرفض إبراهيم عليه السلام. Et Abraham, prière et sagesse, a refusé. لأن إبراهيم عليه السلام لا يتوكل على المخلوقات. Parce que Abraham, prière et sagesse, lui, ne s'en remettait pas aux créatures. ولا يخاف من المخلوقات. Et il n'avait pas peur des créatures. من الذي خلق النار خطيرة. Qui a créé le feu et lui a donné cette qualité d'être dangereux. Allah, c'est Dieu. خطر النار آت منها أم من الله. Le danger qui réside dans le feu vient du feu même ou vient de la part de Dieu, parce que c'est Dieu qui a voulu. فإبراهيم عليه السلام لا يخاف من النار لأنها مخلوقة. Abraham, prière et sagesse, lui, n'avait pas peur du feu parce que le feu est créé. ولكن يخاف من الله, mais plutôt il redoutait Dieu. وجبريل عليه السلام من الذي جعله ملكا قويا. Et l'archange Gabriel, qui l'a rendu un ange fort, puissant. Allah, c'est Dieu. جبريل عليه السلام من أين أتى بقوته. D'où a-t-il apporté ou ramené ou pris sa force et sa puissance, l'archange Gabriel, prière et sa souris. El Jawab min Allah, la réponse de Dieu. Even fa Ibrahim alayhi salam tawakkala mubashara ala Allah. Donc Abraham, prière et sa souris, a pris le raccourci. Il a compté directement sur Dieu, ala al-qawi al-haqiqi, sur le vrai puissant. Wal insan wal a'ma هو الذي يتوكل على المخلوقات. Et l'homme aveugle, dont le cœur est aveugle. الإنسان الأعمى, أعمى القلب, يتوكل على المخلوقات, s'en remet, cet homme aveugle, s'en remet aux créatures, ويترك الخالق, et laisse de côté le créateur. يرى الأقوياء, il voit autour, كما فعل ابن نوح, exactement comme a fait le fils de Noé. يرى الأقوياء, il voit les forts autour de lui. فيطمع في حمايتهم, et il espère leur protection. يرى الأغنياء من حوله, l'homme aveugle regarde les riches autour de lui, et il espère leurs dons. يرى الأشرار من حوله, il voit les méchants autour de lui. فيخاف من شرهم, et il redoute leur mal. إلى آخره, etc. Wallah huwa khaliq kulli shay, et c'est Dieu le créateur de toute chose. Wa ja'ala min hawlik, et Dieu t'a entouré, bil aqwiya, par les forts, wal aghniya, par les riches, wad du'afa, par les faibles, wal ashrar, par les méchants, ila akhiri, etc. liyabtaliyak, afin de te tester. فَأَلَمْ بِأَنَّكَ فِي امْتِحَانْ دَائِمْ. Sache mon frère que tu es dans un examen durable, continu. فَلَمَّا رَفَدَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعُونَةَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Lorsque Abraham a refusé l'aide venant de l'archange Gabriel, قَالَ لَهُ لَا تُرِيدُ إِعَانَتِي. Il lui dit, tu ne veux pas de mon aide, فَطْلُبْ اللَّهُ, demande à Dieu. أَتَدْرُونَ مَاذَا كَانَ جَوَابُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Connaissez-vous, mes frères et mes sœurs, quelle a été la réponse d'Abraham, prière et sagesse? قال له حسبه من سؤالي علمه بحالي. Sa parfaite connaissance m'empêche de lui demander assistance. بمعنى إذا سألته, ceci signifie si je lui demande, si je demande à Dieu de me sauver du feu. فأنا أتهمه بالنسيان. Ça veut dire j'accuse mon Seigneur de l'oubli ou par l'oubli. بمعنى, ceci signifie متى نسياني ربي حتى أذكره. Quand est-ce que mon Seigneur m'a oublié pour que je le lui rappelle. هذا أعلى مستوى سلا لو سومي لو بلو او نيفو من مستويات التوكل على الله parmi les plus hauts niveaux du fait de s'en remettre à Allah. ورفض إبراهيم عليه السلام مساعدة المخلوقات. Abraham a refusé l'aide venant des créatures. وصار وسط النار. Et le voici maintenant entouré par le feu. Un feu qui peut brûler toute une ville, il est à son milieu. مخلوق خطير, une créature dangereuse, le feu. محرق لكل شيء, un feu destructeur de toute chose. فهل أحرقته النار؟ Est-ce que le feu l'a brûlé? الجواب لا, la réponse non. لم تحرقه النار. Le feu n'a pas pu le brûler. لأن الله الذي خلق النار. Parce que Dieu, le créateur du feu, وجعلها خطيرة, Dieu qui l'a rendu dangereux, ce feu, قال لها, il lui dit, لا تحرقي إبراهيم, ne brûle pas Abraham. Un ordre venant de Dieu, du créateur, peut calmer, peut anéantir, peut faire taire toutes les créatures. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, الأمثلة من هذا النوع كثيرة في القرآن. ولكن ربما يقول قائل. Les exemples de ce type sont très nombreux dans le Coran. Mais il se peut que quelqu'un va se poser la question. هذه الإعانة, cette aide, ce secours, cette assistance de Dieu, هذه الإعانة الإلهية, خاصة للأنبياء والمرسلين, est réservée uniquement aux prophètes et aux messagers. وليست عامة لكل المؤمنين, cette aide de Dieu n'est pas générale pour tous les croyants. أقول, je dis, في سورة يونس عليه السلام, dans le chapitre de Jonas, prière et saillie sur lui, الذي أكله الحوت, qui a été avalé par une baleine, grande baleine, الحوت الكبير, ولم يموت, et il n'a pas connu la mort, بل أخرجه الحوت من بطنه, plutôt la baleine l'a refait sortir de son ventre, ووضعه في الشاطئ, et l'a déposé sur une plage, بأمر من الله, par ordre de Dieu, الذي خلقه, Dieu qui l'a créé. قال تعالى في هذه الآية من أو في آية من هذه الصورة, Dieu dit dans un verset coranique de ce chapitre, chapitre Jonas, بعدما ذكر قصة يونس, après avoir rappelé toute l'histoire de Jonas, ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. لم يقل الله ننجي رسلنا وحدهم, لا, ثم نن ما أرحمك يا الله, رحيم رحمن بعباده, ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ما قالش حقا علينا ننجي المرسلين, حقا علينا ننجي كل المؤمنين. Puis nous délivrerons nos messagers et les croyants. C'est ainsi qu'il nous revient de droit de délivrer les croyants. Ça veut dire, je ne délivre pas seulement les messagers, mais aussi les croyants. فإعانة الله شاملة لكل عباده المؤمنين. Donc l'aide ou l'assistance de Dieu est générale pour tous ses adorateurs croyants. وليست خاصة فقط بالأنبياء, et elle n'est pas réservée au spécial uniquement pour les prophètes. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager de Dieu محمد صلى الله عليه وسلم دي, دعوة ذي النون, ادعاه وهو في بطن الحوت, l'invocation de l'ami de la baleine, il l'a appelé ami de la baleine, lorsqu'il l'a invoqué et il était à son intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de la baleine, قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Il dit, il n'y a aucune divinité à part toi, gloire et pureté à toi, je faisais partie des injustes. لم يقل له يا رب نجيني أنا في الحوت أخرجني. لم يطلب هذا الشيء. قال لا إله إلا أنت من المعين في قاع البحر. لا إله إلا أنت سبحانك إني أستحق إني كنت من الظالمين. فإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء ولا امرأة مسلمة في شيء إلا استجاب الله له. Le prophète, après, il dit, il n'y a pas un homme qui utilise cette invocation et invoque Dieu par cette formule de l'ami de la baleine sans que Dieu exauce son vœu. N'importe quel vœu. Rawahu al-Tirmidhi wa al-Nasa'i wa al-Hakim, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, al-Nasa'i et al-Hakim. عندك مصيبة؟ أي مصيبة؟ توجه إلى الله، تكلم مع الله، لك الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، وانتظر الفرج. T'as un problème, n'importe quel problème. Dirige-toi vers Dieu. Dis-lui, il n'y a aucune divinité à part toi. Gloire et pureté à toi. Je faisais partie des injustes et attends l'issue. قال الله في آخر السورة, Dieu dit à la fin de ce chapitre, ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما في أحد ينفع ولا يضر من غير الله. عيب أن تطلب غير الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. Et n'invoque pas en dehors de Dieu ce qui ne peut te profiter ni te nuire. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Et si tu le fais, tu seras alors parmi les injustes. Si tu demandes à autre chose, à autre créature, aux créatures à la place de Dieu, tu feras partie des injustes. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. البشر كل المخلوقات كلها لن تكشف ضرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Et si Dieu fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter à part lui. وإن يردك بخير. الله يعرف عنوانك يا أخي لا تستبطئ. انتظر. الله يعرف عنوانك. انتظر قليلا. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Mais mon frère ou ma sœur, attends un petit peu. Dieu connaît ton adresse. Ne t'impatiente pas. يصيب به من يشاء من عباده. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. وهو الغفور الرحيم. Et c'est lui l'absoluteur et le tout miséricordieux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci, adorateur de Dieu, أخطر مخلوق, la créature la plus dangereuse que Dieu a créée, خلقه الله, ويمكن أن يصيبك بالأذى بإذن من الله, et il peut te faire du mal par après autorisation de Dieu, ou الشيطان الرجيم, c'est Satan le lapidé. ولكن الله تعالى وتبارك, mais Dieu le Très-Haut, أعطاك سلاحا ضده, Dieu t'a donné une arme contre lui, وهو سلاح الإيمان والتوكل على الله, qui est l'arme de la foi et le fait de placer sa confiance en Dieu. قال تعالى, Dieu dit, إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذا كنت مؤمن, إذا كنت تتوكل على الله, أخطر مخلوق لن يضرك. إبليس لن يستطيع ضرك. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont cru et qui comptent sur leur Seigneur. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent comme tuteur et qui deviennent associateurs à cause de lui. Là, j'aimerais poser une question. Est-ce que le fait de s'en remettre à Dieu, est-ce que le fait de compter uniquement sur Dieu signifie qu'on s'éloigne des créatures? On s'éloigne des causes et des moyens. On vit chez nous, dans nos maisons, من غير عمل sans travail من غير دراسة sans études scolaires ونقول الله سيرزقنا et on dit on est croyant Dieu va nous donner la subsistance الله سيعطينا ما نريد Dieu qui va nous donner tout ce qu'on veut réussite et tout إلى آخره etc أقول هذا خطأ كبير je dis il s'agit là d'une grande erreur فهم منحرف للتوكل il s'agit là d'une compréhension erronée du fait de s'en remettre à Dieu الدنيا عالم أسباب la vie ici-bas est un monde de moyens عالم العمل la vie ici-bas est un monde de travail d'œuvre il faut œuvrer والجنة إن شاء الله et le paradis si Dieu le veut عالم من غير عمل un monde le paradis est un monde sans travail يعطيك الله فيها كل ما تريد dans le paradis Dieu te donnera tout ce que tu veux et plus encore من غير عمل sans travail أما الدنيا فلا بد من العمل mais dans la vie ici-bas il faut travailler il faut œuvrer il faut pas être paresseux et attendre Dieu لا بد فيها من الأخذ بالأسباب il faut utiliser les moyens dans cette vie والمسلم كما قلنا في الأول et le musulman comme on l'a dit au début يتعامل مع كل الأسباب المحيطة به le musulman utilise tous les moyens toutes les causes qui l'entourent كل المخلوقات المحيطة به toutes les créatures qui l'entourent ويتوكل على الله et il s'en remet à Dieu عند المرض مثلا يذهب عند الطبيب الطبيب سبب الدواء سبب Il est malade, il va voir un médecin. Le médecin n'est qu'un moyen, une cause. Le médicament qu'il va prendre n'est qu'un moyen. Mais il s'en remet à Dieu pour retrouver la guérison. Il est possible que tu partes chez le médecin, que tu consommes le médicament. Et après, il n'y a rien, tu es toujours malade. وينتظر النتائج من الله le musulman n'attend les résultats de ses œuvres que de la part de Dieu لأنه يؤمن أن المخلوقات لا تضر ولا تنفع le croyant croit que les créatures ne nuisent pas et ne profitent pas ولا تقدم ولا تؤخر et n'avance pas et ne recule pas les échéances لا تحيي ولا تميت les créatures ne donnent pas la vie ou la mort La tourne ou la touffre, les créatures n'appauvrissent pas et n'enrichissent pas. فإن جاءت النتائج فيحمد الله. Donc le musulman, après l'œuvre, après le travail, après l'effort, s'il y a des résultats, il se dirige pour remercier Dieu. ولا يظن أن جهده هو الذي أوصله. Le musulman, lorsqu'il réussit ou lorsqu'il arrive à ses objectifs, il ne doit pas dire que c'est grâce à mes efforts. Grâce à mon intelligence, c'est grâce à Dieu. لا ينظر إلى النتائج ولكنه الله mais c'est Dieu. فإذا قام بكل الجهد mais le musulman lorsqu'il déploie tous les efforts, toute son énergie ولم تأتي النتائج mais il n'y a pas de résultat. Il voulait se marier, il se marie pas. Il cherchait un travail, il n'y a pas. فلا يسقط مريضا il ne doit pas tomber malade, dépressif. فإنه يعرف بأن الله لم يرد الإتيان بالنتائج il doit savoir que c'est Dieu lui il a fait ce qu'il fallait il a fait les efforts, le travail, la recherche mais Dieu n'a pas voulu apporter les résultats ربما فيها شر peut-être il y a dans ces résultats que tu veux il y a un mal ربما تأتي من بعد peut-être les résultats vont venir par la suite إنه يتوكل على الله le musulman a confiance totalement dans Dieu. Il n'a yafiq al-thiqa al-kamila billah, fa yakun da'iman murtahan nafsiyan. Ainsi il sera toujours apaisé, tranquille, rassuré. Rajul kana fi yani fi at-taxi un homme qui prenait un taxi, wa kana yurid an ya'khudha ta'ira, 'indahu safqa kabira, mashrou' kabir, tijari. Il devait prendre l'avion, il a une grande affaire à ne pas rater, une affaire commerciale. فلما كانت زحمة يابي دي بوشون وصل إلى المطار lorsqu'il est arrivé à l'aéroport on lui a dit que l'avion a déjà décollé يعني الطائرة طارت راه الطائرة voici l'avion qui a déjà décollé فندم وغضب il a regretté il était devenu furieux de colère ولحظة وإذا به يرى الطائرة تنفجر في السماء Après quelques minutes, il a vu que l'avion explose en plein vol. فقال الحمد لله. Il a dit la louange à Dieu. قبل كان غاضبا. Avant, il était coléreux. ولما نظر حمد حمد الله امرأة. Allah فعال لما يريد. Il est faiseur de tout ce qu'il veut. امرأة في الليل. Une dame dans un pays musulman, في دولة إسلامية في الليل. Au milieu de la nuit. Là, Ibna Sagira, Sanatayn, une fille de 2 ans, elle avait une fille de 2 ans malade, trop de fièvre. La tadri hal satusbih am satamut. Elle ne savait pas est-ce que la fille va atteindre le matin ou va mourir de fièvre. Wa عند المرأة يعني أبوها شيخ كبير لا يتحرك. Et auprès de cette dame, il y avait un père vieillard qui ne bougeait pas, toujours sur le lit, pris en charge par sa fille. والبنت هذه المرأة لا عمل لها وليس لها ما تأكل. Et la femme n'avait rien, n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de son père, ni aux siens, ni aux besoins de sa fille. والبنت مريضة وتموت يعني ماذا تعمل؟ ولا فيه مالاد وكيس كيل بفير؟ في الليل تنتظر حكم الله. Au milieu de la nuit, elle attendait la décision de Dieu. وَإِذَا بِالْبَابِ يُطْرَقُ. Et on a toqué à la porte au milieu de la nuit. فَتَحَتْ الْبَابِ. Elle a ouvert la porte. تَجِدْ الطَّبِيبُ. Et il y a un médecin. قَالَ أَيْنَ الْمَرِيضُ. Le médecin dit, où est le malade? قَالَتْ لَوْهَا. Voici la petite fille. فَعَالَجَ الْبِنْتُ وَأَخْرَجَ الدَّوَاءُ وَأَعْطَاهَا الدَّوَاءُ. Il a soigné la fille. Et lui a donné les médicaments. بعد قال لها أدي. Après il a dit tu dois payer la somme tant. فقالت له حكت له قصتها. La femme lui a raconté son histoire. Elle est pauvre, elle ne peut pas payer. قال لها مش أنت التي ناديتي. C'est pas toi qui m'as appelé. الله الذي نادى. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est pas moi. فقال لها إذا أنا أخطأت. أنا كنت آتي للجيران وخطأ طرقت الباب عندك. Et il a dit, je me suis trompé, je venais vers les voisins et au lieu de toquer chez eux, j'ai toqué chez toi. فقال لها لن أذهب حتى أعطيك هذا المبلغ. Avant de partir, je te laisse cette somme pour vivre. وكل شهر سأعطيك نفقة شهرية دائمة لأنك فقيرة. Et il lui a dit, chaque mois je vais te verser une pension alimentaire. La ilaha illallah. Al muslim fi alaqa amudiyya ma Allah. Le musulman doit être dans une relation verticale avec Dieu. Yatakallam ma Allah. Le musulman doit parler avec Dieu. Yatlub Allah an yahdiyahu ila tariq al khayr. Le musulman demande à Dieu de le guider vers le bon chemin, le chemin du bien. Hakada. قال تعالى في سورة يونس. Ainsi Dieu a dit dans le chapitre Jonas. يحكي كلام موسى لقومه. Il nous rappelait la parole de Moïse à son peuple. وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم فعلا مسلمين توكلوا على الله. Moïse dit, si vous avez vraiment cru en Dieu, c'est sur lui que vous devez compter si vous êtes vraiment musulman. وفي الأخير أقول, يا la fin je dis, كم من مرة يأتيني أخ. Combien de fois un frère vient me voir à la fin. ويشكو حاله لي. Et il me raconte, il se plaint à moi de ses problèmes. ومصيبة. Il me raconte son malheur. ويبكي. Et il pleure. ويطلب مني الإعانة. Et il me demande l'aide. أو أن أدله على أحد يعينه أو je lui indique quelqu'un qui va l'aider à ma place. فأقول له, je lui dis, سأعطيك عنوان أحد. Je vais te donner l'adresse ou les coordonnées de quelqu'un. سيعينك المئة بالمئة. Qui va t'aider à 100%. ولم يتركك هكذا. Et qui ne va pas te laisser ainsi. فهو أقوى مني. Il est plus fort que moi. وأنا كما ترى ضعيف مثلك. Et comme tu vois, moi je suis faible comme toi. ولكن عليك أن تكلمه كما كلمتني. Seulement il y a une condition, tu dois lui parler exactement comme tu m'as parlé, avec des larmes aux yeux. Mais ikhlas, tu dois lui parler avec sincérité. Watabki aman, tu dois pleurer devant lui comme tu as pleuré devant moi. Sa'adulluka ala Allah. Je t'indique, mon frère, Allah. Parle avec Allah. Marra, atani akh, une fois un frère est venu. Qala li la yuharrik saqi. Il m'a dit qu'il est devenu incapable de faire bouger ses jambes. Je lui ai dit, mais regarde un médecin. J'ai vu plusieurs médecins. Tu as fait des analyses, des radios. J'ai tout fait. Ou même rien. Lâché. Fais une bonne œuvre. Somme. Fais le jeûne. Om bilayl, prie la nuit, donne une aumône, lis le Coran, et juste après la bonne œuvre, tawajjah ila Allah wahdak bi ikhlas, ibki amamahu. Et après, dirige-toi vers Dieu avec sincérité, juste après la bonne action, dirige-toi vers Dieu avec toute sincérité, pleure devant lui, etc. Et demande ce que tu veux. La ilaha illa an, subhanak. إني كنت من الظالمين يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في الأسبوع الذي من بعده, la semaine d'après, il est venu. قال لي شافاني الله. Il m'a dit, Dieu m'a guéri et je suis venu pour t'informer de cela. فبكيت من الفرحة, et j'ai pleuré de joie. يا أخي والله عيب عندك الله خالق السماوات والأرض. T'as, mon frère ou ma sœur, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, et tu vis seul, c'est un grand défaut. Fais une relation avec lui. Parle avec lui. عندك مشكل, اهرع عنده, كما يهرع الطفل عند أمه. T'as un problème, cours vers Dieu. Exactement comme le bébé ou comme l'enfant qui court chez sa mère. Et tu vas voir que Dieu est mille fois infiniment miséricordieux envers toi, plus que ta maman envers toi. On demande à Dieu subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre foi. Allahumma inni da'in fa'aminu. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا رب, يا من لا إله إلا أن, نتوجه إليك في هذا اليوم العظيم من هذا المكان العظيم. يا رب, افتح أبصارنا عليه. يا رب, لا تعمي أبصارنا ولا تعمي قلوبنا. يا رب, لا تجعلنا من الذين نسوك. يا رب, لا تجعلنا نتوكل على المخلوقات ونتشبت بخيوط العنكبوت. يا رب, اجعلنا نتشبت بحبلك. يا رب, اجعلنا من الذين اعتصموا بحبلك المتين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, اجعلنا من الذين آمنوا بك وعليك يتوكلون. يا رب, لا تجعل سبيل للشيطان علينا ولا على زوجاتنا ولا على أولادنا. يا رب, اجعلنا نعيش لك, اجعلنا نفكر فيك, اجعلنا في كل لحظة معك نسبح بحمدك, نتذكر في عظمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. يا رب, صل وسلم وبارك في هذا اليوم على من كان علاقة بينك وبيننا, على من علمنا وبشرنا, على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت,